mes doigts sur le papier, le manche de ma guitare, l'eau. Je laisse aller mes doigts sur le papier, le manche de ma guitare, l'eau. D'unir le désir et bannir l'avenir d'une amitié banale.